Exercice en interaction. Alors, on va organiser une fête ensemble. Et comme on est amis, on va se tutoyer, d'accord? D'accord, bien sûr. Alors dis-moi, pourquoi tu veux organiser une fête? C'est bientôt la fin de l'année. Alors, il faut faire une fête pour les vacances. C'est une bonne idée. Et quand veux-tu faire la fête? Le week-end prochain, le samedi soir. Combien de personnes penses-tu inviter? Tous mes amis, entre 30 et 40 personnes. Mais tu sais où tu vas faire cette fête? Je pense qu'il faut une grande salle. Peut-être chez les parents d'un de mes amis. Il y a un grand garage, on pourrait tout organiser là-bas. Et comment vas-tu t'organiser? Je vais envoyer les invitations par mail ce soir. Et je vais téléphoner tout de suite aux parents de mon ami pour confirmer. Et pour la nourriture, on va faire comment? Je pense que je vais faire des plats de mon pays. Bonne idée. Alors, moi, je vais faire des plats français et on peut peut-être demander à chaque personne de cuisiner quelque chose. Oui, c'est bien. Et pour la musique, tu as une idée? Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de CD. J'ai plein de CD chez moi. Je peux m'en occuper si tu veux. Oui, je veux bien. Alors toi, tu t'occupes d'envoyer les invitations par Internet et de téléphoner aux parents de ton ami. Et moi, je choisis les disques. D'accord, c'est parfait. On va bien s'amuser. À bientôt. À bientôt. On se téléphone.